J'étais perdu, j'étais dans la rue, c'était la Urek Bendero. Ouais, j'étais perdu, j'étais dans la rue, c'est dans la rue que j'ai connu Luna, Pancani et les soucis, la drogue, la bijouterie. Ouais, Pancani et les soucis. J'étais perdu, j'étais dans la rue, c'était la Urek Bendero. Ouais, j'étais perdu, j'étais dans la rue, c'est dans la rue que j'ai connu Luna, Pancani et les soucis, la drogue, la bijouterie. Le Pancani et les soucis. J't'ai perdu, j'étais dans la rue. Moi et mon pète, on était perdants. Pas un que l'époque des francs. Personne mis sur Bendero. Mais bon, la squale, il a l'écro. La squale, il y croit gros. Chacal, la squale, il va croquer la rue, la vraie. Il la connaît comme cette connasse qui te trahit. Suffit d'une bite, un verre de whisky. Ma gueule, j'étais pas en la suite. Cette suite ce soir où t'étais sous cuite. Chacal Luna, elle t'a trompé. C'est bien ce rebeu qui l'a baisé. Ouais, c'est réel, il a retourné. Et toi, sous Sky, tu t'en tu penses. Tu repenses à vos vacances, à son sourire, ma gueule, tu repenses. Ça s'infecte, y'a pas de pansement. Ça fait mal, fais pas semblant, fais pas semblant. C'est pas marrant et ça t'apprendra à faire le parrain. Tu fais le malin, on lui pète les reins. Elle fait la salope, elle est calme. Ça y est, elle a fini, elle met sa culotte, elle fume sa clope. Ouais, ma gueule, Luna, c'est un flop. Y'a Bendero, à l'embrasser, ma gueule. Aujourd'hui, Panka, elle a baisé, vous. Aujourd'hui, Panka, elle a baisé. J'étais perdu, j'étais dans la rue, c'était la Urek Bendero. Ouais, j'étais perdu, j'étais dans la rue, c'est dans la rue que j'ai connu Luna, Pancani et les soucis. La drogue, la bijouterie. Ouais, Pancani et les soucis. J'étais perdu, j'étais dans la rue, c'était la Urek Bendero. Ouais, j'étais perdu, j'étais dans la rue, c'est dans la rue que j'ai connu Luna, Pancani et les soucis. La drogue, la bijouterie. Ouais, Pancani et les soucis. La squale, il est soucieux pour son futur, pour son neveu. J'suis très loin d'être naïf, c'est pour Panka, c'est petit pensif. Ça fait pas de pause, c'est moi qui pèse. Et Bendero, leur pisse dessus, c'était la hurse rigueuriste. Moi seul, est-ce truc risqué. La squale chacal, c'est pas truqué. J'en ai mangé des coups de matraque par des connards. C'est pas mythique, c'est pas un montage, c'est mitigeux. Tu la délaisses, on la détège. Et toi, tu tises, elle t'a mis le stress. Tu vois des tasses, t'as plus DS, t'as eu ta dose. Tu lèves ton pouce, c'est seul en douce. Tu la rappelles tout en te rappelant que c'était elle, qu'elle était là, que c'était bien, qu'elle s'en foutait. Que t'es pas un, elle se doutait que tu vendais, que tu t'en foutais d'être une vedette. Ce que tu voulais, c'était des pépettes. Premier cap-cap dans un peu bon, mais bon, panca, la cartouche. Bendero la touche plus ma gueule. Ah ouais. Ah ouais frère. Et bon point car la cartouche. Bendero la touche plus. J'étais perdu, j'étais dans la rue, c'était la Urek Bendero. Ouais j'étais perdu, j'étais dans la rue, c'est dans la rue que j'ai connu Luna, Pancani et les soucis. La drogue, la bijouterie. Ouais, Pancani et les soucis. J'étais perdu, j'étais dans la rue, c'était la Urek Bendero. Ouais, j'étais perdu, j'étais dans la rue, c'est dans la rue que j'ai connu Luna, Pancani.